Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent chaque peuple pour les acquis qu'ils faisaient.